Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et voici le 9e épisode d'ActuVu réalisé par nos plus grands soins. Aujourd'hui c'est Elsa Lucin qui va nous parler des grandes actualités de la semaine avec le AFLUOT. Corentin va nous faire un point sur l'A69, les nouveaux chiffres alarmants sur la démographie en France. Du côté de l'international, Daphné nous raconte les dernières actualités autour de la situation en Iran. Dans le monde de l'économie, Elsa Sonam nous évoque l'une des grandes actualités de la semaine, le traité du Mercosur avec l'Union Européenne. Pénélope reviendra sur l'actualité sportive et culturelle avec la cérémonie des Golden Globes et surtout les 200 ans du Figaro. Pour finir, la traditionnelle présentation d'école. Cette semaine, un étudiant en Master 2 à l'IFP nous donnera les points forts et les points faibles dans son établissement. Désormais, le champ est libre pour toi Elsa Lucin avec le AFLUOT. Une semaine bien animée, qu'est-ce qu'il ne fallait pas rater Elsa ? Trump a le désir de conquérir le Groenland. C'est ce qu'a affirmé ce mercredi le ministre des Affaires étrangères danois à l'issue d'une réunion à Washington sur l'avenir de ce territoire arctique autonome convoité par les États-Unis. Rattaché au Danemark, le pays a annoncé renforcer sa présence militaire sur l'île polaire. La Suède, l'Allemagne, la Norvège et la France lanceront également une mission militaire européenne sur place dans quelques jours. Gros rebondissement au Venezuela, l'opposante politique Maria Corina Machado a offert sa médaille du prix Nobel de la paix à Donald Trump. Un geste magnifique, a souligné celui-ci, afin de le remercier pour les actions qu'il a menées quelques semaines plus tôt sur le sol vénézuélien, en exfiltrant le président actuel Nicolas Maduro. Surprenant tout de même, alors que le président américain ne cesse de tenir sa généreuse donatrice à l'écart de sa stratégie. C'est avec une profonde tristesse que sa famille annonce le décès de Roland Courbis, âgé de 72 ans, annonce ce lundi RMC. Ancien défenseur trois fois champion de France avec l'OM et l'AS Monaco, il est ensuite devenu un entraîneur majeur du football français. De Toulon à Toulouse en passant par Bordeaux, Montpellier et Marseille avant de devenir consultant pour RMC et l'équipe, une figure sportive et médiatique incontournable dans le monde du ballon rond. Deux semaines après le tragique incendie de Crans-Montana ayant coûté la vie de 40 personnes et blessé 116 autres lors du Nouvel An, le propriétaire du bar Jacques Moretti a été placé en détention provisoire de 3 mois. Autre fait notable, une plainte a été déposée contre le journal satirique Charlie Hebdo, dénonçant une caricature parue le jour d'un hommage aux victimes. On y voit deux skieurs entourés de bandages avec les mentions « Les brûlés font du ski » et « La comédie de l'année », des dessins choquants pour les victimes et leurs proches, et un auteur accusé d'atteinte à la dignité humaine. C'est un nouveau passage devant la justice pour Marine Le Pen. Condamnée en 2025 à 4 ans de prison, dont 2 fermes et à 5 ans d'inéligibilité, son procès en appel commence ce mardi 13 janvier. Elle va donc être à nouveau jugée jusqu'au 12 février à Paris pour détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires européens du Front National. La décision est attendue pour cet été. Jean-Marc Morandini, lui, est définitivement condamné par la justice pour corruption de mineurs, un jugement confirmé par la Cour de cassation ce mercredi pour avoir envoyé des messages et des demandes de nature sexuelle à 3 adolescents. Inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles et interdit de contact avec des mineurs, CNews a annoncé son maintien à l'antenne. Il y a 40 ans jour pour jour, le 14 janvier 1986, la France apprenait le décès du célèbre chanteur Daniel Balavoine. Une disparition tragique survenue lors d'un accident d'hélicoptère pendant la course Paris-Dakar, en pleine mission humanitaire. 40 ans plus tard, le chanteur aux 3 octaves conserve une grande place dans le cœur des Français et continue d'inspirer une nouvelle génération d'artistes comme Aurel San ou Soprano. Une tournée Balavoine ma légende est actuellement en cours partout en France. Merci beaucoup Elsa. Place désormais à notre coco national avec la rubrique France. Debout ! Macron, il a récupéré tous les tocards de la politique. Moi ! Mais qui elle est celle-là ? Quelle indignité. Le chantier de l'A69 est officiellement autorisé à se poursuivre depuis ce lundi, Corentin. C'est un dossier qui dure depuis plusieurs années et qui n'est pourtant pas au bout de ses peines. Le tribunal correctionnel de Toulouse a permis au chantier de l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres de continuer avec la suspension des travaux sur certaines parties. En cause, le stockage de matériel sans autorisation à certains endroits du chantier. À Tosca, la société qui a obtenu la concession de l'A69 a souligné le caractère temporaire de ces dépassements et assuré qu'elle allait se mettre en conformité avec la décision de justice. Le chantier va donc pouvoir continuer avec une mise en service toujours espérée d'ici un an. La poursuite du chantier demeure cependant incertaine avec le pourvoi en cassation du collectif La Voie est libre, principal opposant au projet. Pour l'heure, Le chantier avance et le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a annoncé que près de 90% des ouvrages d'art ont été réalisés, ainsi que 75% des terrassements. Le dossier de l'A69 semble ainsi toucher à son but avec un épuisement des recours judiciaires pour les opposants au projet, qui compte sur la Cour de cassation pour l'arrêter. Pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le solde naturel de la France est négatif. Il y a eu plus de décès que de naissances en France en 2025, selon le bilan démographique annuel de l'INSEE. Précisément 645 000 naissances et 651 000 décès. Parmi les facteurs qui expliquent ce solde négatif, on trouve la baisse de fécondité, mais aussi une mortalité importante qui devrait même augmenter dans les années à venir. En dépit de cela, la population française a augmenté, passant de 68,6 à 69,1 millions d'habitants grâce au solde migratoire positif, estimé à plus de 176 000 personnes. Le phénomène est assez nouveau en France, mais ne l'est en rien pour nos voisins européens. En 2024, seuls 5 pays de l'Union européenne affichaient encore un solde naturel positif. Merci beaucoup Corentin, place désormais à votre petite dose d'international avec Daphné. God save the king. Sono una donna, sono una madre, sono italiana. I have a dream. Be you. Be proud of you. Des mesures de protection contre les polluants éternels dans l'eau potable viennent d'être officiellement mises en place à l'échelle européenne, Daphné. Ce durcissement est entré en vigueur le 12 janvier dernier. Il oblige désormais tous les pays de l'UE à tester les niveaux de contamination des polluants éternels dans l'eau. Le but, garantir le respect des nouvelles valeurs limites fixées par la refonte de la directive relative à l'eau potable. Cette nouvelle législation européenne intervient quelques jours après que la France ait interdit la fabrication, la vente et l'importation de marchandises fabriquées avec ces fameux PFAS. Pour rappel, ces substances chimiques et synthétiques servent à rendre les objets résistants à l'eau et aux graisses. Le problème, c'est qu'elles sont détectées quasiment partout. Sur Terre et même dans notre sang, elles peuvent mettre plus de 1000 ans à se dégrader naturellement. Une exposition chronique à ces polluants éternels favorise le développement de certains cancers et une baisse de la fertilité. En Europe, environ 12,5 millions de personnes vivent dans des localités où l'eau potable est contaminée par les PFAS. Et depuis le 28 décembre, une mobilisation contre la vie chère parcourt une vingtaine de villes iraniennes. Et la contestation est telle que les affrontements entre les manifestants et les autorités ont fait au moins 3 428 morts d'après le bilan de l'ONG Iran Human Rights. Ces derniers jours, un nom est beaucoup ressorti dans l'actualité, celui de Erfan Soltani. Arrêté le 10 janvier dernier, cet Iranien de 26 ans devait être exécuté mercredi. Il est accusé par le pouvoir judiciaire de rassemblement contre la sécurité nationale et de propagande contre le système. Sans procès ni avocat, il a été le premier à être condamné à mort par le régime avant de finalement bénéficier d'un sursis. Erfan Soltani est devenu malgré lui le symbole de la révolte iranienne qui militait d'abord contre la vie chère. L'Iran est en proie à une inflation qui dépasse les 50% cette année. Le cours du dollar s'envole face à un effondrement de la monnaie nationale, le rial. Cette crise économique s'explique de plusieurs manières. Premièrement, le pays est touché par d'importantes sanctions internationales qui limitent le commerce et les investissements étrangers. Et puis l'Iran est aussi souvent accusé de mauvaise gestion économique et de corruption, ce qui freine son développement. Mais au fil des jours, les revendications sont devenues beaucoup plus politiques. Les manifestants demandent aujourd'hui la chute du régime islamique instauré en 1979 sous l'ayatollah Ruhollah Khomeini. Certains Iraniens la considèrent comme une dictature. Un mouvement qui comprend désormais le fils de l'ex-chat qui soutient les manifestations dans le pays. Merci beaucoup Daphné, et un peu d'économie vous fera que du bien. Alors c'est parti pour la rubrique Éco-Société avec Elsa Sonam. Le ministre radical est en colère. Combien ? This is Elon Musk. Après 25 ans de négociations, le traité de libre-échange avec les pays du Mercosur de l'Union européenne a reçu ce 9 janvier le feu vert du Conseil de l'Union européenne, Elsa. Et oui, en dépit de l'opposition marquée de la France et d'autres États européens, les ambassadeurs de l'Union européenne ont donné à Bruxelles leur accord sur ce fameux traité de libre-échange dont on entend parler depuis quelques années maintenant. Ah bon ? Mais les négociations, ça dure depuis si longtemps que ça ? Et oui, Daniel. Et pour bien comprendre, il faut remonter en 1999, année de début des négociations entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, c'est-à-dire l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay. Ce n'est qu'en 2019 que les négociations reprennent avec un premier accord, puis en 2025, la Commission européenne adopte le texte avant de le soumettre au Conseil européen. Ce samedi 17 janvier, le traité sera contresigné par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à Asunción, capitale du Paraguay. Et finalement, le texte, il prévaut quoi ? Cet accord commercial historique va créer l'une des plus grandes zones de libre-échange au monde. Ensemble, l'Union européenne et le Mercosur représentent 30% du PIB mondial et comptent plus de 700 millions de consommateurs. Alors concrètement, qu'est-ce que chacun y gagne ? Eh bien, pour l'Union européenne, une manière de renforcer son autonomie et sa place en tant qu'acteur à l'échelle internationale, en supprimant une large part de ses droits de douane et en favorisant l'exportation européenne de voitures, machines, vins ou encore fromages. Et pour les pays du Mercosur, cet accord est un moyen de faire entrer plus facilement en Europe du bœuf, de la volaille, du riz ou encore du soja sud-américain. Une décision qui risque donc de bousculer l'agriculture européenne avec des produits moins chers et qui ne respectent pas les normes de l'UE. Depuis plus d'un an, des milliers d'agriculteurs manifestent en France, en Pologne ou encore en Belgique devant le siège du Parlement contre ce traité. Le traité commercial devra encore passer par la ratification par le Parlement européen en mars-avril prochain. Le scrutin risque d'être très serré. Dans l'actualité aussi, l'IA du réseau social X Grok fait parler d'elle. Et pas en bien, Daniel, je peux te le dire. Comme vous l'a rappelé Elsa Lucin dans le affluoté de la semaine, un violent incendie a ravagé le bar La Constellation à Crans-Montana en Suisse lors des festivités du Nouvel An. Sur le réseau social X, plusieurs familles de victimes ont posté la photo du membre de leur famille disparu. Certains utilisateurs ont alors eu l'idée de demander à Grok de déshabiller ces personnes en créant une image générée par l'IA. Une vague d'indignation est alors montée. Le réseau social a d'ailleurs réagi ce mercredi 14 janvier. En effet, dans un message publié sur X, le réseau social d'Elon Musk, la plateforme a annoncé, je cite, un blocage géographique de sa fonctionnalité d'édition d'images de personnes réelles dans des tenues révélatrices. Attention toutefois, cette restriction se limite aux juridictions où cela est illégal. Face à cette tentative de régularisation partielle, le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé l'ouverture d'une enquête indépendante par une autorité de régulation britannique. La Commission européenne, quant à elle, a assuré qu'elle évaluerait attentivement ces changements. Et face à ce scandale, plusieurs pays d'Asie ont d'ailleurs pris des mesures strictes. L'Indonésie a temporairement bloqué l'accès à Grok. Et cette industrie rapporte gros d'ailleurs, Elsa. Actuellement, des centaines de sites et d'applications peuvent générer des photos de femmes nues, des outils à la portée de tous et qui rapportent en effet des millions de dollars. C'est ce qu'on appelle le deepfake pornographique qui circule notamment sur plusieurs sites comme Telegram, une industrie vaste et difficile à régulariser. Selon une analyse publiée par l'ONG AI Forensics, faite sur plus de 20 000 images de Grok, plus de la moitié représentait des personnes légèrement vêtues, des chiffres qui font bondir, tout comme celui de l'amende prise par l'entreprise de téléphonie Free cette semaine. Bondir, oui, c'est bien le mot. Mercredi 14 janvier, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, a infligé une amende de 27 millions d'euros à Free Mobile et 15 millions d'euros à Free après un vol massif de données confidentielles de clients en 2024. La CNIL a notamment pointé un manque de sécurité. L'opérateur de Xavier Niel s'est empressé de pointer ce montant très élevé, dénonçant une sévérité inédite sans commune mesure au regard des précédents en matière de cyberattaque. Il est cependant important de rappeler de l'ampleur de cette fuite de données. Plus de 24 millions de contrats ont été compromis par l'auteur de cette attaque. En janvier 2025, un mineur de 16 ans soupçonné d'être l'auteur du vol dans le système avait été placé en détention provisoire. Free a d'ailleurs déposé un recours devant le Conseil d'État pour obtenir la révision de cette décision. Merci beaucoup Elsa Sonam. On continue avec notre rubrique Culture Sport avec Pénélope. Moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi tu me parles pas d'âge. I recoup the ball. Et comme chaque semaine, nous allons faire un petit tour de l'actualité culturelle. Alors Pénélope, que faut-il retenir ? Eh bien, Daniel, qui dit mois de janvier, dit remise de prix. La saison est bien lancée et les récompenses cinématographiques commencent. Alors, le 12 janvier a eu lieu la cérémonie des Golden Globes à Los Angeles. Et sans grande surprise, c'est le film « Une bataille après l'autre » de Paul Thomas Anderson qui a remporté 4 trophées au cours de la cérémonie, dont celui de la meilleure réalisation et celui de la meilleure actrice dans un second rôle pour Teyana Taylor. Timothée Chalamet, grand favori pour l'Oscar cette année, a remporté le Golden Globe du meilleur film dans un film comique ou musical pour son rôle dans Marty Suprême. Du côté des séries, 3 studios de production sont repartis avec des récompenses, dont Netflix avec la série Adolescence qui a remporté le prix de la meilleure mini-série. Alors les Golden Globes, c'est un moment culturel attendu chaque année, on veut des paillettes, des robes de grands couturiers, les stars défilent et font le buzz, mais certaines sautent sur l'occasion pour faire passer un message. visage. C'est le cas pour Mark Ruffalo, acteur notamment connu pour son rôle de Hulk dans l'univers Marvel, qui a dénoncé publiquement la politique de Donald Trump et je cite « Il prétend que le droit international ne compte pas pour lui, seule sa propre morale importe alors que c'est un criminel condamné et un violeur condamné. » Et en France, quelle est l'actualité culturelle de la semaine? Eh bien cette semaine, en fait, un anniversaire. C'était les 200 ans du journal Le Figaro. Alors pour rappel, le journal a été créé en 1826 par Maurice Alloy et Étienne Arago. Pour l'occasion, le journal a organisé un gros programme sur 3 jours, du 14 au 16 janvier, avec notamment une exposition gratuite au Grand Palais à Paris, qui rassemble plus de 300 photos, des unes emblématiques du journal. Il y a eu aussi des tables rondes, des conférences qui ont animé ces 3 jours de fête, avec de nombreux intervenants, journalistes et écrivains. C'est une belle longévité, seul le Times anglais peut concurrencer le Figaro en Europe avec 241 ans d'ancienneté. Merci beaucoup Pénélope, et ce n'est pas fini avec nos recommandations de la semaine par la belle plume de Lauriane. Absolument tout ce qui fait de vous ce que vous êtes peut faire de vous un bon journaliste. Colline, c'est quoi ton journal préféré? Concrètement, qu'est-ce que le jury peut nous demander? À force, vous ne ferez plus qu'un avec l'actu. Mais messieurs, dames, aficionados de l'audiovisuel, j'ai tout de même quelques définitions pour vous. Maintenant, à vos carnets et à vos stylos. Entre l'Iran, l'épiphase et la démographie, on a de quoi faire, j'imagine, Lauriane. Eh oui, vous l'avez entendu avec Daphné. En Iran, la crise économique fait rage. Des manifestants, au péril de leur vie, réclament la chute du régime. C'est ainsi que je vous recommande ce documentaire poignant sur Arte. Iran, rage contre le régime, disponible jusqu'au 11 février sur la plateforme. Il donne la parole à des Iraniens et des Iraniennes exilés ou réfugiés politiques et retrace les grandes vagues de contestation depuis 2009. En France, la démographie marque un tournant historique, comme le rappelait Corentin. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, la France a enregistré plus de décès que de naissances. Alors je vous conseille ce livre, « Le déclin démographique, une urgence économique » de Pauline Rossi, paru le 13 janvier dernier. Il analyse les causes et les conséquences de ce bouleversement, notamment sur le plan économique. Enfin, tout aussi important pour les concours, la nouvelle législation européenne sur les polluants éternels, elle impose le contrôle de la qualité de l'eau et pour être incollable sur les PFAS, ouvrez grand vos oreilles, le podcast L'Heure du Monde a enquêté sur le sujet. PFAS, l'impossible décontamination des polluants éternels, le fruit d'un an de travail qui donne la parole à des experts et interroge le coût réel de la dépollution. Merci beaucoup Lauriane, et avant de conclure cette émission, c'est l'heure de mettre en avant l'école de la semaine. Aujourd'hui c'est Arthur Pubertier qui va nous parler de la sienne, il est élève en Master 2 à l'Institut France Presse à Paris. Alors Arthur, que faut-il savoir sur l'IFP ? L'IFP donc, c'est une petite école située à Paris, donc on est 25 par promo, ce qui permet d'être vraiment bien suivi au quotidien et encadré par des profs ou des intervenants journalistes de presse écrite, de télé, de radio, de site web, etc. Donc situé à Paris, donc pour faire des stages, c'est quand même idéal. On est au plus près des grandes rédactions. Et les frais de scolarité aussi sont les plus bas, je crois, de toutes les écoles, puisqu'on n'a que les frais de scolarité à s'affranchir. Il y a quand même un petit défaut que je vois, c'est que c'est une petite école. Du coup, le réseau n'est pas hyper développé. Il faut se forger une autonomie assez conséquente. Mais j'aurais aucun doute que vous y arriverez comme nous, on y arrive. Allez, à la prochaine. Et voilà, c'est la fin de ce 9e épisode d'ActuVu. Nous espérons que l'épisode vous a plu. Et encore une fois, merci beaucoup à Elsa Lucin, Corentin, Daphné, Elsa Senin, Pénélope et Lauriane sur le plateau. On remercie également Guizane en régie au montage. Bon courage à vous pour les révisions. Et comme disait un grand rappeur du nom de SCH, laisse faire le temps, ça ira. Alors croyez en vous et à la semaine prochaine pour plus d'actu.